Nous sommes le 15 octobre 2020 et en ce jour, il y a un appel général à la grève nationale et à la mobilisation dans les secteurs de la santé, du médico-social et du social. Et ça fait suite à toute une année de mobilisation, on n'est pas loin de l'année, du secteur hospitalier et du secteur social pour alerter sur le manque de moyens. Et la casse sociale continue jour après jour. Avec la Covid, elle s'accélère. Les dernières mesures gouvernementales annoncées hier soir ne vont pas forcément dans le bon sens. C'est le moins qu'on puisse dire. En tous les cas, il n'y a aucun moyen supplémentaire de prévu pour ce qui concerne les hôpitaux ou le reste, tout ce qui fait le lien social. Voici donc la lecture d'un texte, d'un témoignage de Yasmina Ketal, qui est infirmière. Elle a écrit ce texte le 2 octobre 2020, elle l'a fait publier sur son blog, sur le blog Mediapart, que vous pourrez retrouver donc sur le site de Mediapart. Et ça s'intitule « Probablement qu'on y est, l'hôpital s'effondre ». Infirmière aux urgences de l'hôpital de Saint-Denis, j'ai vécu le pic de l'épidémie dans un des territoires les plus touchés et me suis investie dans les mobilisations. Alors que le Covid revient dans mon hôpital, j'ai voulu partager ma lassitude. Je n'ai pas envie de remettre des gens dans des sacs mortuaires, de faire du tri à l'arrache, du travail à l'arrache. Je veux plus mettre des gens sur des bouteilles d'oxygène dans le couloir. Je suis tétanisée à l'idée de répondre aux médias. Cet été, j'avais l'excuse d'être en Guyane, mais depuis mon retour, je n'arrive plus à répondre à aucune sollicitation. Parfois, je ne prends même plus la peine de répondre à un « Désolée, je suis pas disponible ». Parfois c'est vrai, parfois c'est un mensonge. Aller en plateau, pour dire quoi? Quoi de plus? Participer à la cacophonie qui nous parasite depuis le début de cette crise et qui s'est amplifiée depuis le début du mois? Pour y être interrogé sur quoi? Les fermetures des bars? Les traitements miracles? Les propos d'un tel ou d'un tel ou de telle ou telle statistique? Ah si, peut-être, pour y dire qu'on avait raison. Probablement qu'on y est, l'hôpital s'effondre. Sauf que contrairement à ceux qui squattent les plateaux, je n'ai jamais été guidée par l'envie d'avoir raison. C'est justement parce que l'on n'avait pas envie d'avoir raison qu'on s'est battu. J'ai l'impression d'en avoir dit tellement que je n'ai plus les mots. Je ne suis pas assez cynique pour que cela ne m'affecte pas profondément. Je vais faire une pause Twitter car j'avais envie d'insulter tout le monde. Maintenant, je tweete et je supprime aussitôt, fatiguée par mes propos et mes propres commentaires. Je crois que ça y est, j'ai même plus la force d'être en colère. Après plus d'un an à avoir, en plus de mon boulot, couru à travers les plateaux et bossé comme une dingue pour mobiliser et alerter, que dire de plus? Ce que Vincent Lindon ne saisit pas, c'est que laisser courir le Covid ne protégera pas ses enfants. Ce que Elise Moon et Nicolas Bedos ne comprennent pas, c'est que laisser courir le Covid ne leur rendra pas la joie de vivre avant la perte de leurs proches et n'atténuera pas le traumatisme vécu. Cela apportera plus de peur, plus de larmes, plus de tristesse à d'autres, et peut-être, ce que je ne leur souhaite pas, à eux aussi. Au-delà du fait que ces hommes évoquent des préoccupations de bourgeois à l'heure où beaucoup de monde se demande comment survivre, ce qui est indécent, cela montre une chose. Les gens n'ont pas envie d'entendre que c'est reparti. Je ne les juge pas. Enfin, cela peut-être que si. Je suis rentrée de Guyane avec un tel besoin d'insouciance que je suis aussi sortie dans des bars bondés, dans un respect plus que relatif des fameux gestes barrières. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'une nouvelle fois, on ne va pas être à la hauteur, mais que cette fois-ci, ça risque de se voir. Le corps médical a une très grande responsabilité dans cette cacophonie, et parfois même venant de personnes que je respecte par ailleurs. Des avis divergents, pardon, peuvent et doivent exister. Mais au lieu de permettre d'apporter la nuance face à une situation qui appelle à l'humilité, ils sont utilisés pour faire plier l'autre. J'ai demandé à un médecin habitué des arcanes du pouvoir pourquoi Véran n'arrivait pas à faire taire ses confrères. Me trouvant sans doute bien naïve, il m'a souri avec malice en me répondant: ce n'est qu'un petit neurologue de Grenoble. Elle est donc toujours là, cette guerre d'ego, se mesurant à la place qu'on occupe sur la chaîne alimentaire médicale. Ça m'a soufflé. Pourtant, je commence à bien connaître le milieu et ses travers. Cela pourrait être juste un peu pathétique pour des gens censés être si érudits, si ce n'était pas aussi dangereux. La plupart des médecins n'admettront jamais qu'ils ne savent pas et trouveront toujours une gratification si, au passage, ils peuvent tacler celui avec lequel ils se sont embrouillés durant l'internat 10 ans plus tôt. Certains, bouffés par l'arrivisme, en viennent à réclamer des lits alors qu'hier ils clamaient que le problème de l'hôpital était uniquement affaire d'organisation et non d'un manque de moyens. Quant aux médias, je ne vais pas m'attarder sur eux, tellement cela est flagrant. Ils comblent le vide, assouvissant une boulimie de buzz, d'avis et de commentaires. Chaque chaîne a eu son instant de trou. Comment cette médecin a pu dire sur une chaîne de télévision que le masque est issu d'un complot pédo-satanique? Comment ont-ils pu donner autant de place à autant de gens experts en rien et donnant un avis sur tout? Et dans le même temps, si je peux me permettre l'expression, les discours à peu près sensés y sont considérés comme anxiogènes. C'est à n'y rien comprendre. Mais dans tout cela, rendons à César ce qui appartient à César. La plus grande part de responsabilité revient à ceux qui décident. Oui, certaines mesures sont absurdes. Tout comme ne pas avoir mis les moyens, tant qu'il en était encore temps, ne pas se pencher sur la gestion des facs surpeuplées ou la situation au sein des écoles. On laisse la gestion d'une épidémie au préfet. Soyons sérieux 2 minutes. Crise sanitaire? Préfet? Ça ne choque personne? La défiance est partout, mais n'est le fruit que de leur inconséquence et de leurs mensonges. Les tests sont, à la deuxième vague, ce qu'ont été les masques à la première. C'est lassant. Pour être prêt pour la seconde vague, encore aurait-il fallu avoir eu l'honnêteté de regarder en face la réalité de la première. J'ai suivi avec attention la commission d'enquête sénatoriale. J'y ai vu les mensonges de Olivier Véran, les idioties de Sibeth Ndiaye, l'affront qu'ont été les larmes de Agnès Buzyn. Ce sont eux qui ont individualisé le risque en nous sacrifiant pour l'économie. À la moindre occasion, ils se défaussent de toute responsabilité, eux qui ont pourtant su faire de preuves de tant d'arrogance et d'aveuglement. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez eux? Ces gens ne se rendent même plus compte qu'ils bénéficient du luxe obscène d'avoir le pouvoir d'entraîner les autres. J'attends encore une décision de justice pour une banderole qu'on me suspecte d'avoir déployée dans les airs de la place de la Concorde le 14 juillet. Sur une face était écrit « L'économie nous coûte la vie » et de l'autre « Derrière les hommages, Macron asphyxie l'hôpital ». L'économie nous coûte la vie. Je suis bien placée pour le savoir. La surmortalité dans le 93 durant la première vague, j'en ai assez parlé. Je ne vais pas donner de chiffres, je ne les supporte plus. A-t-on eu le temps de prendre conscience que c'était des êtres humains, des familles? Pendant le confinement, lorsque certains se mettaient au yoga ou à une langue étrangère, j'ai vu les miens partir travailler ou grossir les files d'attente pour des colis alimentaires. Et à présent, il faudra peut-être les maintenir, quoi qu'il en coûte, au travail pour ne pas sacrifier l'économie. Pourquoi ne serait-il pas possible d'envisager que le coût incombe à ceux qui possèdent? Pourquoi culpabiliser la population alors qu'ils font déjà beaucoup de sacrifices? Si on n'était pas tributaire de décisions parfois absurdes ou injustes, pourquoi pas? Mais là, toutes les décisions ou leur absence vont peser sur le bout de la chaîne, entre autres l'hôpital. Il y aura des choix à opérer et une nouvelle fois, ils seront pour ceux habitués à faire le sale boulot. Et donc, en ce moment, comment va le bout de la chaîne? Derrière les hommages, Macron asphyxie l'hôpital. Je me rappelle avoir dit juste avant la première vague « On sera là, on fera le boulot ». La situation a tellement changé depuis. On ne se rend pas compte à quel point les soignants sont prêts à tourner le dos. Ce ne sont plus les respirateurs qu'il faut compter, mais les soignants. Ces fameux gens toujours là, toujours prêts. Sur le papier, peut-être qu'on peut mieux soigner les gens, mieux les faire respirer, sauf que l'hiver arrive à l'hôpital, et l'hiver, ce n'est pas un printemps confiné. On ne pourra pas compter sur les renforts et les lits de pédiatrie, ils vont bientôt entamer leur saison de bronchiolite. Vu le nombre de régions touchées, on ne pourra pas non plus compter sur les renforts d'autres régions. Dois-je rappeler que l'hiver dernier, on a transféré des nourrissons à 200 km de Paris, faute de place en réanimation? L'hiver dernier. Dois-je rappeler qu'en dehors du Covid, les lits sont déjà tous pris et qu'on arrive à produire des taux d'occupation supérieurs à 100%? Pour la première vague, on a tourné avec plus d'un tiers des effectifs en moins sur mon hosto, en comptant les arrêts ou évictions professionnelles. Depuis le printemps, combien de collègues sont véritablement partis en creusant encore plus le gruyère? J'ai dû quitter mon service il y a un peu plus de 3 mois. J'y suis passé récemment, j'ai regardé le planning. Je ne connaissais même plus la moitié des noms qui y étaient inscrits. J'ai aussi croisé un collègue, un pilier, là depuis 18 ans, revenant après une courte alternance au SAMU durant l'été. Il me raconte qu'à son retour, il ne reconnaissant plus personne, il s'est présenté à tous comme le ferait un nouveau. Les fixes, il y en avait déjà plus, et les renforts, il n'y en aura pas. On ne se rend pas compte à quel point on tourne avec des vacataires et des renforts. Ils ne se casseront plus le dos dans les services quand tu peux faire des missions de dépistage payées par des agences régionales de santé pour 220 euros les 4 heures de boulot. Tous ces gens ne vont pas de nouveau se donner autant, une fois encore, car ils ont eu des crachats en retour. Ils n'ont pas pu s'empêcher de continuer à maltraiter des gens. Que ce soit pour les prises de congés, des histoires d'heures supplémentaires ou de primes, les affaires courantes ont repris. Ils se sont retrouvés face à des murs de mépris alors qu'ils réclamaient juste ce qui leur revenait de droit. Parce qu'on continue à nier ce droit. Parce qu'on continue à nier que nos métiers sont justement des métiers. On m'a reparlé récemment d'une émission à laquelle j'avais participé sur France Inter en juillet, juste avant de partir. J'ai discuté stoïcisme des soignants durant la crise avec un philosophe un peu à côté de la plaque, et honnêtement, ce n'était pas de sa faute. Je n'arrêtais pas de dire que la situation était subie et qu'elle n'était pas sans conséquences pour les gens. Être confronté à la mort et à la souffrance est altérant. Encore plus si elle se fait dans un climat de peur et d'échec. En arpentant les couloirs des hôpitaux, j'ai rencontré pas mal de fragiles, ou en tout cas de fragilisés. Pendant le Covid, beaucoup ont très mal vécu le fait de ne pas être protégés. Dans cette émission, je finis par dire: je m'appelle Yasmina Kettal et ma vie vaut d'être vécue. Maintenant, ça me fait sourire. Je n'étais pas allée jusqu'au bout du discours, parce qu'à l'époque, je partais en renfort en Guyane, et j'étais encore dans la matrice. Au final, la Guyane, professionnellement, ça m'a apporté quoi à part alourdir la barque des traumas et des peurs, des embrouilles et surtout des morts inexcusables? C'est de notre faute, on n'a pas assez déconstruit notre côté héroïne, mais en même temps, il ne nous reste plus que ça. Là est toute la perversion. Ce qui devrait être la contrepartie gratifiante est devenu notre poison. Dois-je rappeler que médailles et défilés furent le premier acte fort de la sortie de crise? Une gifle. Tout comme entendre Véran parler de vocation, tout comme les 90 balles qu'on leur a arrachées, tout comme la non-reconnaissance en maladie professionnelle des contaminés Covid, tout comme ces moyens qui manquent toujours autant. La démission du chef du service du Kremlin-Bicêtre a achevé le peu d'espoir qu'il me restait. Je ne le connais pas personnellement et je ne vais pas parler en son nom, mais je connais quelques ex-membres de son équipe. Il est parti en plein Covid et il le sait, et ce n'est pas rien. Il a pourtant tenu depuis tant d'années. Récemment, j'ai perdu mes moyens face à ma direction, au moment d'aborder la nouvelle phase Covid. La voix chevrotante, je me suis trouvée mauvaise. Mauvaise dans mes reproches, mauvaise dans mes réponses, le ton trop ou pas assez acerbe. Parce que c'était trop violent de me retrouver face aux mêmes difficultés, aux mêmes embrouilles, sur les mêmes sujets et d'entendre les mêmes réponses. J'avais envie de leur dire que je n'ai plus envie de jouer. À un moment, un des directeurs m'a coupé la parole en disant qu'il trouvait intolérables mes accusations et le fait que je différencie le stress que fut le nôtre du leur. Oui, il y a une différence, et je ne devrais même pas avoir à l'expliquer. En même temps, comment leur en vouloir en ce moment? Chacun sauve sa peau, comme il peut. Même moi, et pourtant tu commences à bien me connaître, je commence à me dire que j'attendrai une réquisition. Et pourtant tu sais à quel point quitter mon service était une décision contrainte. M'extraire de ce management toxique fut finalement une très bonne chose. Cependant, je ne suis plus en poste et faire du travail syndical à 100% me rend folle. Ça me démange toujours autant d'exercer ce que j'estime être mon vrai métier. Mais là, je me dis à quoi bon? Et encore à quel prix? Dans le fond, je trouve ça normal et plutôt sain. C'était inhumain. C'est juste qu'on connaît la suite. Il va y avoir de la casse. Ça va être violent pour certains collègues et terrible pour les mêmes patients qui vont continuer à ramasser. Et chez moi, ça va être encore plus terrible. Ma dernière nuit en Guyane, j'ai pété un câble sur un cadre. On avait passé la nuit avec 6 patients, dont 4 intubés, très instables pour 2 infirmières. On était déjà au-dessus du ratio légal. Pendant 12 heures d'affilée, on a souffert. Suite à un arrêt maladie déjà connu, le lendemain n'était prévu qu'une seule infirmière, arrivée il y a une semaine, pour prendre en charge les 6 patients. On a appelé le cadre au petit matin, parce qu'on n'avait pas de nouvelles sur un éventuel renfort. Il nous a mal parlé, il a dit que c'était la faute des collègues qui se sont arrêtés pour rien. J'en étais à ma troisième nuit, le ton est monté. Il n'a pas apprécié. Fier de lui, il a fini même par me dire: moi, j'ai travaillé avec le Covid. J'étais prête à rester. 2 jours avant, j'étais restée pour ne pas laisser une autre collègue seule. Mais là, rien que pour ça, je suis partie. Je lui ai hurlé dessus. Mais ça m'a fait un bien fou. J'ai eu l'impression de récupérer un petit peu de dignité. Il m'a menacé d'un rapport à l'agence régionale de santé. Je lui ai conseillé de l'adresser directement au ministère et de surtout bien orthographier mon nom. Et puis quoi, mon gars? Tu vas faire quoi? Une médecin que j'apprécie beaucoup avait essayé de faire arrêter les élections municipales en sentant la première vague arriver. Ça peut faire sourire, mais vraiment, elle a utilisé tous les canaux possibles. Le jour des élections, elle est même entrée en furie dans son bureau de vote, elle a supplié, elle a crié. Il y a quelques semaines, quand j'ai commencé à prendre conscience de ce qui est en train de nous arriver, j'ai eu envie de faire la même chose. De dire aux gens dans les bars: arrêtez tout! En furie. Finalement, j'ai juste parlé à mes proches. Mon discours? Vu que vous êtes obligés d'aller bosser et qu'on ne vous protégera pas, protégeons-nous par tous les moyens qu'il nous reste. Ceux qui devraient le permettre en sont incapables. Restreignez au maximum vos interactions sociales pour protéger les autres. Pas parce qu'on mène la bonne politique sanitaire, mais parce que justement, on ne nous protégera pas. Tout ça en me demandant si j'en faisais pas trop, si j'étais pas en train de devenir folle ou de mal gérer le post-trauma. Je n'ai pas envie de remettre des gens dans des sacs mortuaires. Je n'ai pas envie de voir des gens avec lesquels je travaille avoir peur. Je n'ai pas envie de faire du tri à l'arrache, du travail à l'arrache. Je veux plus remettre des gens sur des bouteilles d'oxygène dans le couloir parce qu'on a utilisé toutes les prises. Je ne veux pas me dire que c'est toujours les mêmes qui en mourront et revivre un monde où on a l'impression d'avoir perdu la raison. En ce moment, je cours à la recherche de témoignages et de documents à ajouter à la plainte déposée par le collectif. Parce qu'à présent, on nous demande de prouver l'incurie qui a pourtant sauté aux yeux de tous. À l'heure où tout le monde sort les boucliers pour protéger sa petite place, à nous de prouver qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination collective. On n'en est plus à une cruauté près. Je ne sais pas trop dans quel but j'écris ces lignes. Peut-être parce que je n'arrive plus à parler. Peut-être parce que j'avais juste besoin de canaliser mon esprit sur une tâche précise pendant quelques heures. Avoir la parole coupée, un comble pour l'une de celles que les médias ont assignées au rôle de porte-parole par totale méconnaissance du fonctionnement du collectif. Pourtant, l'une des victoires de celui-ci aura été de donner la parole aux petites mains hospitalières, qu'elles soient légitimes et surtout qu'elles se sentent légitimes. Pour quelqu'un d'aussi habitué d'habitué que moi au nous, ça me fait bizarre autant d'écrire autant je. Enfin, je vais avoir l'honnêteté de dire que je suis aussi tétanisée parce que quelqu'un qui m'est cher risque d'être bientôt hospitalisé et que je sais que dans le contexte actuel, la perte de chance est réelle. Différer, c'est prendre le risque d'une aggravation, hospitaliser, celui d'une prise en charge dégradée ou d'une contamination. Une ancienne collègue m'a contactée hier, car elle se retrouve dans la même situation. Comme elle, l'inquiétude me ronge. J'en ai perdu le sommeil, ce qui me permet de trouver le temps d'écrire. Je ne suis pas mieux que les autres. Je doute. Je n'ai pas de solution ni de prédiction. Et j'espère encore me tromper. Ce que je sais, c'est que j'ai de nouveau peur pour les gens dans les rues. Et je trouve le vide sous nos pieds vertigineux. Voilà, c'était le témoignage de Yasmina Ketal qu'elle a écrit début octobre. Comme je le disais aujourd'hui, donc c'est une journée nationale de mobilisation pour le secteur de la santé et du social. Et Yasmina Ketal continue à chercher des témoignages, ainsi que, en fait, le collectif, pardon, j'aurais dû en parler dès le départ, le collectif Interurgence. En fait, aujourd'hui, il y a eu une assignation avec des perquisitions chez Olivier Véran, chez Jérôme Salomon, c'est suite à une plainte du collectif Interurgence qui est représenté par Maître Arié Halimi. Il y a une perquisition en cours. Je vais essayer de vous trouver un peu plus de détails, mais ça va pas être... Voilà, il y a une perquisition actuellement donc chez Olivier Véran, Jérôme Salomon, dans le cadre d'une information judiciaire sur la gestion de la crise sanitaire. Édouard Philippe, Sibeth Ndiaye et Agnès Buzyn sont également concernés par l'enquête. Et concernant le collectif Interurgence, il cherche toujours des témoignages de soignants et soignantes. Et Yasmina Ketal a lancé aussi sur son Twitter, à retrouver sur @ B majuscule, le chiffre 2, petit o, YAYA. Elle a lancé un appel aussi pour que des personnes qui se sentent l'envie mais qui ont la trouille de le faire puissent témoigner auprès des médias ou parler, parce que l'omniprésence de quelques mecs médecins ou autres est un peu lassante. Et donc voilà, il y a une recherche de témoignages de petites mains, comme on dit, dans les soins. Elle propose de l'aide pour la gestion du stress et l'expression. N'hésitez pas à la contacter donc sur son Twitter. Et courage à tout le monde. Essayons de faire au mieux et de nous protéger, puisqu'effectivement, ils ne le feront pas.